MC 고리의 개벌 라이언이요. Big up, big up. Big up, soldier, biz, yo. Yeah, yeah, yeah. Division, division, ils ne veulent que la division. Telle est la direction de la plupart de leurs actions. À croire que leur gueule est leur seule motivation. Et ils s'étonnent qu'en retour ne viennent que de la rébellion. Ils stigmatisent une partie de la population. Répandre la haine, leur principale occupation. Pour leur propos, je n'éprouve que de l'aversion. Car ce sont eux qui ne font jamais preuve de compassion. Ma musique en mission, pour dénoncer leurs sévices. Ils n'allaient tout de même pas croire que j'allais mettre à leur service. Bien sûr que je respecte tant que je peux la police. À part ceux qui font preuve de discrimination raciste. Ils jouent sur une apparence, une religion, une couleur de peau. L'habit ne fait pas le moine sauf pour leur mandat de dépôt. C'est eux qui nous divisent et nous veulent pas sous leur drapeau. Ils sèment les violences et nous font porter le chapeau. Ils jouent sur une apparence, une religion, une couleur de peau. L'habit ne fait pas le moine sauf pour leur mandat de dépôt. C'est eux qui nous divisent et nous veulent pas sous leur drapeau. Ils sèment les violences et nous font porter le chapeau. En guise de racine, y'a la télévision. Car c'est mental qu'est leur pénétration. Violence banale dans leurs informations. Oui, elles sont bancales la plupart de leurs interventions. Leurs informations ne sont que des informations. Comme des professeurs, ils distribuent les punitions. Il va bien falloir qu'ils répondent à la question. Qui sont-ils pour nous juger dans la plupart de leurs émissions? Ils jouent sur une apparence, une religion, une couleur de peau. L'habit ne fait pas le moine sauf pour leur mandat de dépôt. C'est eux qui nous divisent et nous veulent pas sous leur drapeau. Ils sèment les violences et nous font porter le chapeau. Ils jouent sur une apparence, une religion, une couleur de peau. L'habit ne fait pas le moine sauf pour leur mandat de dépôt. C'est eux qui nous divisent et nous veulent pas sous leur drapeau. Ils sèment les violences et nous font porter le chapeau. Derrière les microphones, pas moyen que je reste en faune. Babylon nous dégomme donc pas moyen que je cautionne. Tu dois être blindé pour oser dire que ça fonctionne. Bien sûr ta condition trop rarement tu te questionnes. Je rêve qu'à mourir paix sur la terre à jamais rayonne. Mes misères et peines ici bas trop souvent cognent. Non ce ne sont pas des leçons en musique que je donne. Juste un regard aiguisé sur ce monde qui déraisonne. Ils jouent sur une apparence, une religion, une couleur de peau. L'habit ne fait pas le moine sauf pour leur mandat de dépôt. C'est eux qui nous divisent et nous veulent pas sous leur drapeau. Ils sèment les violences et nous font porter le chapeau. Ils jouent sur une apparence, une religion, une couleur de peau. L'habit ne fait pas le moine sauf pour leur mandat de dépôt. C'est eux qui nous divisent et nous veulent pas sous leur drapeau. Ils sèment les violences et nous font porter le chapeau. Ils sèment les violences et nous font porter le chapeau. Ils sèment les violences et nous font porter le chapeau.